Si on parle assez fort. Tout à fait, Martin. C'est parti, t'as lancé l'émission. Non, non, non, j'ai pas lancé l'émission. Je regarde pas, mais je pense si, si, si. Allez, jingle. Jingle. À toute vitesse, à toute vitesse, à toute vitesse, on va vers une émission. À toute vitesse, à toute vitesse, à toute vitesse, à toute vitesse, boy. Épisode 34, 5, je 6. Sais plus, j'ai perdu le fil. 36. 36. Ça enchaîne, ça enchaîne. 36 quais des orfèvres. Pour info, je suis en freestyle total, je n'ai pas de casque. Mais j'écoute Pierrot attentivement, comme d'habitude. Effectivement, j'ai oublié, si vous voulez tout savoir, on met une petite fourchette sur l'enregistreur qui permet de brancher nos deux casques. Et tu la cherches encore? Et je l'ai... Non, je cherche pas le... Je cherche mon téléphone, tu sais, avec mes petites notes. Oh là là. Et voilà, ça va être une émission périlleuse. C'est la 36, on revient sur les basiques. Je n'entends pas mon casque parce que j'en ai pas. Bah oui, mais toi, t'es habitué, tu vois. Je n'ai pas préparé l'émission, je n'ai pas de fil rouge. Je suis à deux doigts de mettre mes lunettes. C'est parti, il va mettre ses lunettes. Non, pourquoi? Non, j'étais à deux doigts, pourquoi, tu vois. Pourquoi Parce que je suis fatigué, je suis exténué. Mmh. J'aime bien en anglais, dans ma tête, quand je suis très fatigué, ça Tyrant. Fait... I'm exhausted. Ah, j'ai l'impression de bien et parler tu parles anglais. Bien, ouais, c'est clair. Tu l'as. Ça exhausted, tu l'as. Ouais, ouais, et j'ai trop l'impression d'être bon, et je suis fatigué. Et sur la route, j'étais comme ça, je pensais, j'ai le côlon irritable. Ah putain. Et en fait, c'est parce que je suis fatigué, du coup, je me dis, je suis grognon, mais ça veut rien dire, le côlon irritable. T'as mal au cul? Non, c'est j'ai un ami à moi. Qui est hypochondriaque, pas amiénois. Okay. C'est pas toi. Okay. Et il dit, je sais plus pourquoi, je crois qu'il disait parce qu'il pétait beaucoup. Il disait, bah non, mais j'ai le côlon irritable. Ouais, c'est ça, il y a un problème de transit, quoi. Non. Je me suis jamais renseigné sur ce que ça voulait dire, juste le terme, je trouvais ça rigolo. Ouais. Donc je suis fatigué. Tu penses aux colonies aussi un peu, tu vois. Tu sens au bon temps au béquet, colonies. Les béquets, là. Qu'on déteste. Au béquet? Béquet, c'est les blancs qui avaient des terres. Ah oui. Martinique, Guadeloupe, Martinique, peut-être les deux même. Ils sont encore là, il y a encore des familles de béquets, il y a encore des familles, des grandes familles de riches. On leur donnera pas la béquet à leurs enfants, à eux. Non, alors que la béquet, tu vois, c'est les oisillons, ça, c'est joli, ça. Ah, c'est mignon. Ouais, ça, on aime bien, tu vois. Donc, où sommes-nous? Au Jeanne d'Arc. Place? Jeanne d'Arc. Pour ou contre? Non, Jeanne d'Arc, qu'est-ce qu'on sait pas quoi dire, Jeanne d'Arc. Ouais. Jeanne d'Arc, film de Luc Besson, nul. Ah Mia ouais, Jovovich. C'était sympa, ouais. Mia Jovovich. Ouais, ouais, parce que c'était, elle avait joué dans Cinquième Élément avant. Moi, j'aimais bien cette époque-là, cette actrice. Et donc, cette émission sera timée, puisque comme d'habitude, on cherchait un lieu. On est jeudi, on s'y est pris tard à chaque fois. On se dit, il faut arriver avant 18h dans le bar pour avoir une place, pour être bien, pour être à l'aise. Bon, on est arrivé à 18h40 ou 18h30. Ouais, on s'est retrouvé. Heures, non 18h45. Ah oui, devant, oui, on allait le faire là en plus. Et en fait, Martin m'a dit, ouais, c'est vite, vite, vide. On a essayé un autre endroit. Plein, plein, plein. Plein, plein, plein, même trop plein. Donc on est revenu sur nos pas. Il est 19h et quelques et il ferme à 20h. On est tout juste. On est tout juste. On doit être intéressant, on doit être concis, on doit être concentré. On a deux bières quand même. Parce que moi je vais la balayer vite fait, je vais vite en prendre une deuxième je pense. Ah ouais, bon du coup vous savez déjà que Martin va disparaître. Et un moment, ouais. Et on a vachement bien travaillé l'émission. Et on est tout au fond du bar. On est au fond du bar, siège en cuir rouge, mur gris. On a une petite radio derrière nous, FM, qui nous présente quoi comme musique? C'est quoi la radio? Je sais pas ce que c'est, mais c'était Taylor Swift tout à l'heure qui chantait. Puis il y a les JO aussi qui sont en fond quelque part. J'espère que vous l'avez en fond. Ouais, puis y a des... ouais, et puis on fait aussi, ils font aussi Amigo, jeu à gratter, tabac. C'est plus un bar qu'on a fréquenté pour sa petite terrasse. Ouais, en surtout vrai. Que la terrasse elle est plus jolie qu'avant. On n'est jamais dedans. On n'est jamais dedans. Juste pour aller chercher des gaules. Ouais. Mais j'ai toujours aimé venir ici. C'est vrai que c'est très agréable. Ouais. Bon après voilà, faut être lillois pour venir ici, hein. Venez pas de Paris pour jusqu'au Jeanne d'Arc. Mais... Sauf si des amis vous convient. Hein. Oui bien sûr, là profitez-en. Un rayon de soleil. Rayon de soleil. Jeanne d'Arc. La main sur ton petit. Puis en plus tu peux manger le midi à l'idéal aussi, c'est sympa. À côté. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Trop tard, ouais. C'est vrai, c'est... Tu peux passer ta vie ici en fait. Ou au Pickles, juste à côté. Jamais je suis à MLA. Je crois que c'est que des légumes, je crois. Pickles, c'est tout est vinaigré quoi. Parce que Pickles c'est ça quoi. Je sais pas. Tout est Pickles. Tout est. Non, tout est légumes. Ok. Toutes sortes. T'as déjà mangé ou pas? T'as pas l'air sûr de toi. Non, non, j'ai pas mangé. Je suis allé au ici cette semaine, j'étais trop content. T'as mangé quoi? C'est un bar que j'aime bien. Qu'est-ce qu'il y avait? Ben, c'est de la. La hampe de bœuf. Non. Si. Ah ouais? Ah, et purée de céleri. Chimichurri de choucaille. À la place du persil, tu mets du choucal, ouais, ou choucaille, je sais pas ce qu'on dit. Et. Ouais, c'était vraiment stylé. Tu t'es régalé, quoi. Et après, entrée, j'ai pas même pris une entrée. Hein. Entrée, c'est. Tu vas lâcher cette pomme de pain. Ça fait du bruit, ça fait du bruit. Il y a une pomme de pain taguée, là, c'est argenté, j'adore. Ouais, c'est l'hiver, quoi. Putain, mais cet hiver là, moi je crois que. J'ai là... pas fini le menu. Entrée tempuri, tempura, tempuri. C'est un thème pourri. Des brocolis. Ok. Bah vas-y, j'arrête. Non. Dessert crème renversée. C'est quoi une crème renversée? C'est comme une tarte tatin mais renversée? Pas du tout. Ok. Mais c'est un truc que tu connais depuis que t'es gamin en fait. Une crème brûlée? Non. Une crème au riz? Crème caramel renversée. Un flambi? Exact. Et bah Marine, elle était là à côté de moi. Elle dit bah non. Elle s'attendait pas à ça. J'aimais renversé moi. Le seul dessert renversé, c'est soit la tatin, soit c'est le flambi quoi. Bah ouais. Du coup, ça lui convenait pas. Bah, elle s'attendait à un truc plus comme la crème brûlée, je pense, ou un truc comme ça, je sais pas. Ah, ok. Là, c'était vraiment flan, un peu, je sais pas. Pas flan, non, pas flan. Bah, je sais pas. Flambi. Un peu aéré. C'était bon. C'était bon. J'ai mangé les deux, du coup. T'as mangé entrée plat dessert? Oui. Et les deux desserts. Ah oui. La poubelle, quoi. Non, quelqu'un qui, un épicurien, en fait, on dit. Épicurieux. Épicurieux. Attachante. Épicentrique. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Et donc je disais là, cet hiver, je sens aujourd'hui, présentement, juste aujourd'hui, je crois qu'il me faut tous les trucs pour me. Le zinc, là, tu sais, le miel royal, la gelée royale. Il faut que tu prennes tout là. Là, je pense tout, tu me donnes. Non, mais tout. C'était avant. C'était... Ah putain. Mais continue. Ah oui, Marine, elle a conseillé Louis, qui en a pris aussi des trucs. Tu prends ça début de l'hiver, mec, tu cartonnes, mec. C'est des gélules, t'en prends une par jour, bam, et tu passes à travers tous les trucs. Ah bon? Et j'ai une autre pote, Amélia, qui m'a dit, là, tu peux te faire prescrire des vitamines D par ton médecin. Ah cure oui de vitamine D, ouais. Ah bah, c'est des tels tocards. Quoi? C'est des tocards, moi. C'est qui, tocard? Mes médecins, docteur tocard. Moi, je l'adore. On a le même médecin ou pas? Non, on n'a plus le même médecin. On n'a plus le même médecin, ouais, mais c'est la meilleure médecin du monde. Et plus la meilleure. Mon médecin, je l'ai depuis 15 ans. C'est... Pff, voilà, on est comme... On est... Arrête, celle que tu crois que t'as fait le lycée avec, là? Ouais. Elle pue la merde. On est copains comme cochon, quoi. Ouais, bah qu'elle mette des arrêts quand les gens sont malades. Bah moi, elle m'a foutu des putains d'arrêts, mon gars. Ouais, bah moi, c'est une chouchou. Ah ouais. Elle m'a dit, tu veux pas travailler, mon coco? Non, c'est pas vrai. Je suis un peu fatigué. Ah ouais. Oh. Faut que tu te reposes. Je suis pas traque. Mais arrête. Je vais prendre ta tension, quand même. Ah ouais? Bah t'imagines pas comme ça. Je prends ta tension. Allonge-toi. Allonge-toi, repose-toi. Fais une petite sieste. Non, mais elle est nulle. Non, elle est super. Arrête. Elle est super. Elle pue la merde. Je l'adore. Voilà. Moi, j'étais à deux doigts sur cette médecin de mettre un mauvais avis sur Google. Mais non. Mais ouais, je suis comme ça. Ça, c'est quoi? J'étais un lavomatique cette semaine où j'ai regardé les avis Google avant d'y aller. C'était génial. Ah ouais? Oh, je vous conseille tous lavomatique de LM ou de FIV. Une crotte dans le seul schlinge. Non, il écrit genre laverie de l'âge de pierre. C'est vraiment la vieille. Mais elle est vieille de ouf, la laverie. Tu sais, c'est avec des pièces et des billets, pas de carte bleue. C'est vraiment genre tout est dégueulasse. Tous les joints, tu fais une lessive, l'eau elle coule. Les joints, il y a une dame, elle m'a montré, c'est genre, c'était ma pote. Elle me dit, ah bah regardez, en fait, moi à chaque fois, bah je mets du. Elle met du. Bicarbonate. Désinfectant. Elle désinfecte la machine avant de mettre son linge et tout. Oh là là. Et moi j'étais là, ah ouais, mais j'ai vu les avis sur Google et tout. Elle fait, ouais, il nettoie pas souvent. Enfin bref, c'était ma pote. Toi, tu nettoyais quoi? Une couette? Ah, mais non, les affaires de mon chien. Ah ouais. Faut pas que ça pue dans ta machine. Il a fait des marins. Bah non, mais c'est que c'est lourd en plus. Enfin, tu vois, on a vraiment fait genre les grosses couettes. Et là, comme elle partait en vacances, la petite. Tu lui as fait son sac à dos et son. Ouais, ouais, puis on lui a lavé ses jouets et tout. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est gentil. C'était hyper gentil. Tu t'es dit, t'es gentil toi? Ouais. J'ai fait ça pour elle. Et bref, les avis Google, je reviens là-dessus. Des lavomatiques, c'est. C'est un régal. Régal. J'ai pas fait exprès. Je vais te. C'est ça qui a fait du bruit. Ah ouais. C'est quoi de... Bref. Sans casque, t'aurais... C'est un chauffage. C'est un chauffage, ça chauffe? C'est le chauffage de la banquette? Je pense. Je sais pas. Ouais, c'est bien, c'est ça, cette histoire de lavomatique. Non, c'est marrant, ça. Moi, je sais pas si je suis déjà allé laver des trucs dans un lavomatique. C'est jamais de ta vie? Peut-être une fois ou deux, mais... Bah viens avec moi la prochaine fois, c'est cool. Ou une couette. Bah t'as plein de petits podcasts où au moment des... C'était des trucs YouTube, à un moment c'était la mode, à chaque fois ils enregistraient dans un lavomatique. Ah ouais? Il y a dû avoir des trucs de bouse ou... Franchement, on devrait faire un banc et troquet dans celui-là. Ah ouais? Ça serait banc et troquet lavomatique? Bah ouais. Faudrait trouver un truc à un nom un peu mieux, quoi. Bah banc et troquet dans le lavomatique. C'est parce qu'on sera toujours banc et troquet, peu importe ce qu'on ah fait. Ah oui, oui. Tiens, on a banc et troquet chez vous. D'ailleurs, on doit bientôt aller chez des gens, mais vous consommerez la canisse en mars, peut-être. Ouais, et c'est-à-dire qu'à son retour de vacances, ses affaires, elles seront peut-être sales. Faudra peut-être les laver. Ouais. Faut qu'il y ait une raison, quand même, d'aller au lavomatique. Faut laver bah, un truc. Rencontrer des gens, moi, il y a un gars, j'arrive, il me dit « Ouais, t'as pas du feu ?» Je fais « Non, mais je vais chez moi, j'habite à côté. » Je lui ai ramené, il était trop content. T'as pas une petite cuillère hein? Il m'a donné des conseils, il m'a dit « Bah, moi, je fais du blanc, du noir, machin. » Je pense que c'est 1 euro les 13 minutes de séchoir. Il me dit « Ouais, mets 3 minutes. » Bref, il était gentil, il était à fond dedans. Les gens, ils sont quand même à fond dedans, quoi. J'ai quand même eu pas mal de conseils, quoi. Genre, il y avait 3 personnes. Les 3 personnes m'ont orienté sur des questions. Et il y a une personne qui était perdue. Qui t'ont orienté sur des questions? Bah, qui m'ont aidé. Sur des questions, t'imagines, c'était ton chemin. Qui suis-je? Vous êtes Martha, hein? Ouais, comme des petites fées, en fait. Ouais. Comme un jeu de rôle, en fait. Et c'est la réalité. Genre, les bonhommes, ils m'attendent et je leur pose des questions, tu vois, et ils me mettent dans ma quête. Tu vois ce que je veux dire? Yes. Et donc, ces 3 personnes m'ont aidé dans ma quête. Ils m'ont donné une clé. Ouais. Ils m'ont donné une épée. J'y suis, franchement. Et un sortilège. Comme je suis fatigué, j'ai l'impression d'avoir des hallucinations. Ouais, et un j'y crois, quoi. Je pourrais rebondir dessus. Ah ouais, et d'un coup, il y avait la montagne sacrée ou pas? Ouais. Il y avait une sorcière, en fait. Non. Si. Comment et un paladin. Et bref, et du coup, il y avait 3 personnes là qui m'ont aidé, qui étaient habituées, et une personne qui arrivait qui venait pour la première fois. Et j'ai aidé. Une parce que moi comme j'étais toi. Dans le vibe. Ouais. Ouais, dans elle parlait anglais. C'était une personne asiatique qui parlait anglais. Elle était là. Waouh, je vais pas y arriver. Et je dis, bah regardez, on suit les dessins, tac tac, on fait ensemble. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Après, on met la pièce et go. Et voilà, elle était super contente. C'est trop cool. Ah, j'ai l'impression que t'as passé un bon moment, toi. Bah carrément. En fait, j'hésitais même à, tu sais, à mettre la pièce et me barrer. Oh. Et j'ai senti que non, c'est pas ça qu'il faut faire. Donc j'ai traîné un peu. Le gars il m'a demandé ce fameux briquet. Du coup j'ai fait ok, je vais chez moi, mais je vais revenir. Et je suis revenu. Et après voilà, les gens ils me parlaient, quoi. Il y avait la dame qui parlait, qui désinfectait les trucs. C'est pas loin de chez toi? Moi c'est 10 minutes à pied. Ça, ah, quand même. 7 non. Quand moi, même. Dans tout et pour tout, t'es resté combien de temps là-bas? Qu'une lessive, c'est 27 minutes. Ça va vite. Et après, séchoir, 13 minutes. Ah. Mais comme la dame, elle m'a dit qu'il fallait mettre encore. 2 x 13? J'ai mis 2 x 13. Et c'est vrai? C'était vrai? C'était bien sec? Non, j'ai encore mis chez moi dehors. Mais c'est bien, c'est chaud. Non, mais c'est un gros truc. Ouais. C'était des grosses couettes. Des grosses couettes. Des grosses couettes. Ça change, hein. Oh. Ça change des machines à laver à la maison, hein. Ah ouais, c'est... Je savais pas que ça allait être aussi bien, ouais. T'as profité de l'expérience, quoi. Tu vois, il y a la rubrique, genre, c'était quoi cool dans ma semaine? Bah ça, c'était cool dans ma semaine. Ok, c'est vraiment l'hiver, quoi. C'est l'hiver, hein. Ça, c'était cool. Ça, c'était cool de ouf, mec. Putain, toi, tu fais des expériences de vie. Mais parce que j'ai vu ça comme une expérience de vie. Ok. Je conseille à tout le monde d'aller laver au moins une fois son linge. Mais par contre, faut prendre le lavomatique de l'âge de pierre comme moi, tu vois. Il faut qu'il y ait pas des un truc tout neuf, machin. Vous voulez un petit café? Non, non, non, non, un truc du quartier. Il écrit le week-end, c'est même pas la peine le week-end là-bas où je suis allé. Tu peux pas. Il y en a des comme ça, mais ils ont disparu, quoi. À la pièce. Avec pièce. Avec pièce. Et moi, je vais dans la Vomatique au bout de ma rue, mais c'est pour parce que je récupère des colis, quoi. Mais il est moderne. Même pas, non, il est dégueulasse. Bah voilà, bah c'est dans ça que je suis allé. Mais la meuf, elle m'a montré les gens avec plein de poussière et tout, c'est crado de ouf. Mais c'est marrant. En fait, c'est vraiment un lieu de vie quand même. Ouais. C'est assez marrant. Ouais. Et les gens, ils arrivent avec des bouquins, ils arrivent avec. Ouais, ouais. Il y a une meuf, elle a passé la. Il y a une meuf, elle était tout en téléphone. Oh. Mais comme ça, accrochée là. Je comprends parce que moi, quand je vais récupérer un colis, j'ai envie de dire bonjour aux gens. J'ai envie de dire bonjour, ça va? T'as envie de squatter? Ouais, t'as envie de parler. C'est ça que j'ai fait, moi. C'est là où j'ai choisi de pas... Putain. Par contre, la meuf à qui je lui ai appris le truc, je lui ai dit, ah, c'est comme ci, comme ça. Après, faut rester, en fait. Ouais, non, elle s'est barrée. Quoi? Ouais, je suis un peu déçu. Purée. Faut rester, en vrai. Ouais, j'aurais dû lui dire. Tu sais, genre, bah là, vous avez la machine, c'est bon, tac, ça part. Maintenant, faut s'asseoir, en fait. Et tu penses que tu vas y aller pour tes affaires, à part celle de ton chien? Non. Non. Je sais pas, c'est une expérience de vie, c'est tout. Ça se prend comme ça, tu vois. Peut-être c'est unique. C'était là et... Ah ouais, c'est ton destin, quoi. Peut-être je ferai une couette un jour. Une couette. Mais tu vois, en plus, tu peux même appeler un pote, tu vois. On peut faire nos couettes ensemble, tu vois. Ah ouais, après, ouais, toi, ça fait un peu long pour aller faire une couette. Ouais. Fait un peu de route, quoi. Mais je vois où c'est là, Vomatic, près de chez toi. C'est sur le boulevard, non? Non, c'est au bout de la rue. Ok. Il n'y a pas un boulevard au bout de ta rue? Si, il y a un boulevard. Mais là, il y en a Vomatic, non? Bon, il doit y en avoir, ouais. Je les connais pas tous. Parce que Louis, la dernière fois, il a été chercher un colis dans un truc comme ça, mais c'était pas un Vomatic, alors, je croyais. On peut chercher partout tes colis, quoi. Moi? Tout le monde. On peut en récupérer. Un jour, je suis allé chercher un vélo, mec. Où ça? Bah, dans un truc. J'avais acheté un vélo. Il était dans un relais colis? Ouais. Dans une. Un carton? Ouais. Non, chez quelqu'un. Ah, chez quelqu'un, ouais. Toi, tu non? Mais toi, t'es cherché où ton vélo? C'est un livreur. Ouais, mais c'est livré. Et moi, c'était chez quelqu'un. Attends, non, non, je non. J'ai dit, je viens chercher mon colis, il m'a dit, c'est un gros. Je fais, ah, c'est un très gros. Ah, je sais plus. Mais c'était non, il m'avait pas prévenu. Et du coup, il m'a dit, ouais, j'ai votre colis. Puis je fais, quel colis? Il me dit, il y a quelqu'un chez vous? Ah, je fais, non, il y a personne. Tu m'as raconté l'histoire, c'est et bon. Du coup, j'ai négocié. Ouais, tu m'as raconté l'histoire. Mais il était sympa. Une personne qui était aux toilettes, non? Exactement, il y a quelqu'un qui était aux toilettes qui a dit. J'ai dû négocier. Ouais, genre dépêche-toi quand même. Il avait dit qu'elle avait sonné, il avait pas sonné. Quel menteur. Ouais. Mais bon, quand je l'ai rappelé, parce que parfois tu as un numéro, mais tu rappelles et ça marche pas, tu vois. Parce qu'il veut pas répondre. Non, parce que ça, genre, il y a des certains trucs de livraison, tu sais, ils empêchent que tu puisses appeler le livreur. Ouais. Mais là, il m'a dit, ouais, bah je reviens alors. Mais il y a des livreurs, ils sont trop gentils. Hein. Bah là, il était gentil. Moi, plus... un jour, c'était deux gars. Genre, j'avais perdu mon téléphone. Déjà, ils livraient à deux. C'était des rames. C'est sûr que ça sert à rien d'être à deux. Donc, je sais pas, ils avaient envie de tourner ensemble. Et j'avais pété mon téléphone et je commandais un téléphone. Et du coup, il me dit, ouais, vous avez reçu le message. Je fais, bah non. Parce qu'en fait, là, vous allez en train de me. Là, vous me livrez un téléphone. Mon téléphone ne marche plus. Je peux pas. Ouais. Et le gars, il m'a dit, bah t'inquiète, frère. Ils ont essayé les trucs et tout. Ils ont pris le temps. Ils ont dit, tu sais quoi, je vais mettre à la pompe à essence là-bas. 15-30, tu peux y aller. Et du coup, c'était hyper gentil. Ah ouais? Voilà. Ouais, c'est bien ça. Trop cool. Et bah, moi, le livreur, je disais, mais parce que je comprenais ils sont pas. Gentils, les livreurs. Je comprenais pas ce que c'était. Je fais, il est comment le carton? C'est gros? Il a écrit quelque chose? Puis en fait, il a regardé. Puis il m'a dit, ouais, il est bien gros. Ouais, il est lourd. Ouais. Parce que je lui ai demandé s'il pouvait le déposer à un relais colis. Tu vois, il fait, ah, il est gros quand même. Je fais, ah bon, qu'est-ce que j'ai acheté quoi? Tu sais, ça fait peur. Toi, t'avais oublié que t'avais acheté un vélo quoi. Bah, ah oui, mais parce que j'avais pas reçu de mail comme quoi il était expédié. Tu sais. Quand je suivais ma commande, il disait, non, il est pas parti. Tu vois. Il y avait ça aussi. Il n'est pas parti. Ouais, pour moi, il était encore... voilà. C'est fantastique. Mais bon, la personne Special qui fait caca delivery. A fait caca, a récupéré le vélo pour moi. Et voilà, c'était un il y avait deux livraisons en même temps, quoi. Une pêche et un vélo. Eh oui, bah on a dit qu'on était fatigué. Donc voilà, est-ce que le niveau de blague, il est monstrueux. Il est à notre niveau, quoi. Et t'as rigolé, voilà, mais c'est tout. Mais en fait, des fois, le rire, c'est simple aussi. Hein. C'est pas non plus. C'est sûr, Martin. C'est pas quelque chose de complexe. Non. Quoi, tu peux prendre une bière, tu crois? Non, je sais pas. Attention à quoi? Si, tu peux y aller. Moi, j'ai un miroir. Ah ouais. Je vois tout. Tu vois tout? Je vois tout. Toi, t'es devin. Tu sais tout, tu vois tout, t'es devin. Qu'est-ce que moi j'ai eu? Ah mon putain, hier c'était l'anniversaire de mon frère. Donc je vais manger. On parle souvent de ton frère. Ouais. Il y a 4-5 épisodes sur ton frère. Il y en a un où il se fait un peu défoncer, ouais. Ouais, il n'avait pas dit bonjour. Non, c'était pas ça. Si ça, Non. Non, c'était pas ça. C'est une blague. Je crois que c'était qu'il savait pas mon métier. Mais du coup, il sait pas que Boy Troquet, ça existe. Il y a plein de gens, bizarrement, qui savent pas que ça existe, Boy Troquet. Je sais pas comment l'info n'est pas passée, mais. Je l'ai dit à mon père il y a pas longtemps. Mais je vais pas te donner le lien pour qu'il écoute. Pourquoi? Je sais pas s'il va comprendre. Moi, je crois qu'il a déjà dit à mes parents, ils en ont rien à foutre. Ils sont contents. Ouais. Mais ça les intéresse pas. Ok. Mais c'est pas une génération de podcast. Non. Pas du tout dans le. Mais ce que je vois. Nous, on s'adresse à la Gen Z, tu vois. Non, mais je déconne. Ce que je vois là, nous, on était un peu avant. On précurseur. Parce que maintenant, là, ce qu'on fait, genre, je le vois un peu partout, quoi. Dans la rue? Non. Sur les plateformes. Ouais, mais à Lille, on est deux seuls hein, dans les bars. Hein. Exactement. Et je me suis dit. Ça serait bizarre de se croiser un jour, tu sais, dans un bar, tu fais, mais qu'est-ce qu'ils font là? Eh, c'est nous, hein. Tu sais qu'on s'embrouille avec deux podcasters qui. Polo et... Et Pan. Et attends, j'ai cherché un nom. Un nom, un et Sylvain. Polo et Sylvain. Qu'on les aime Pierrot pas. Pierrot et Martin. Tu sais, c'est pour faire les mêmes sonorités. Ouais. Non, c'est... Bon. On s'appelle Chaise et Vin et Bar à Vin. Bah, vous avez rien à faire ici, c'est un PMU. Non, non, non. Non, Bruno. Tabouret et Bar à Vin. J'irais... Ouais, moi, ça me ferait rien. On ferait un faux clash, quoi. Oui, oui, on n'a pas que ça à faire. Non à la violence. C'est pas aujourd'hui qu'on va parler de violence. Non. Non, non, non. Et donc, je disais, j'ai été l'anniversaire de mon frère. Et hier, j'ai vu mon neveu et ma nièce. Et ma nièce, elle m'a fait kiffer, elle me fait marrer. En fait, c'est le diable de Tasmanie, elle court partout. Et puis là, je lui ai lu une histoire dans le canap, 19h30. Et après, elle était sur le canap, à sauter, à faire ouah, ouah, ouah, ouah, ouah. Un supporter. Elle, ouais, exactement. Je suis à peine arrivé, elle fait là-haut, là-haut, là-haut. Et en fait, elle allait chercher une grosse boîte. Et en fait, aujourd'hui, c'était à la crèche, journée costumée. Donc c'était son costume. Déjà, c'est une énorme boîte qui est plus grande qu'elle. Elle l'amène, elle la défonce, elle l'arrache pour récupérer la baguette magique, parce que c'était une fée, le déguisement. Okay. Et du coup, avec la baguette magique, elle tape partout, tu vois, pouah, pouah, pouah, pouah, comme un marteau. Même pas deux minutes, le truc il s'est explosé. Explosé, tu crois qu'elle va pleurer, tu vois, ou pas du tout. Ouais, ah, ouais. Ouais. En fait, elle, c'est l'ogre, c'est pas la princesse. Ah, c'est exceptionnel. C'est Shrek. Elle m'a fait marrer, quoi. Ah, ouais. Trop bien. Et c'était que ça, quoi. Mais par contre, elle avait pas envie d'aller dormir. Si, au bout d'un moment, elle s'est endormie, elle a dit je suis fatiguée. Et ses parents, ils étaient contents qu'elle. Elle a pas dit je suis fatiguée. Non. Elle s'est un peu calmée. Bon, après, elle m'a mis 2-3 noix de cajou dans mon verre, des trucs comme ça entre deux, quoi. Mais... C'est bon, les noix de cajou dans la bière ? Bah, c'était un jus de fruits. Donc. Ça va. Je te dis, je suis en mode j'accepte smoothie, tout. Smoothie, quoi. Smoothie, noix de cajou, ça marche, tu vois. Oui, et puis c'est pas ma fille, c'est-à-dire qu'à un moment, elle a acheté des chips par terre. J'ai rien dit, tu vois, j'ai fait, ouais, c'est pas cool. Ouais. Mets-les sous le siège, sous le canapé, là, vas-y, on s'en fout. J'ai essayé de pas marcher dessus, je les ai ramassés après. C'est vrai ? Ouais. Tu restes quelqu'un de gentil, quand même, quoi. Bah, en même temps, j'ai pas envie de l'engueuler, quoi. Non, non, mais gentil avec les gens, c'est pour ton frère, c'est mon frère, ah oui, oui. C'est t'as pas marché sur des chips, tu l'as mis en dessous du canapé. À un moment, je crois que j'ai failli marcher dessus. Donc okay. J'ai fait, on va ramasser. Hein. Donc tu sais pas si t'es gentil encore, en fait. C'est un peu flou. Si je suis polaire gentil. Je suis gentil. Ouais. T'es sûr ? Ouais. Gentil. Ouais. Parce que la princesse ogre, elle est bipolaire aussi, je pense. Shrek. C'est le nom de ta nièce. Ouais. Ah ouais. Qu'est-ce qui a été drôle. Elle en a rien à foutre des princesses. Est-ce qu'à un moment, comme ils sont deux, j'ai lu une double histoire, tu vois. Ah. Je lisais l'histoire à mon neveu, qui est un peu plus grand, qui a 6 ans, et elle qui a 2 ans et demi. C'est quoi une double histoire ? C'est deux histoires différentes ? C'est-à-dire qu'il y en avait un à ma gauche qui voulait son histoire et l'autre qui voulait son autre histoire. Du coup, je lisais à un moment à droite et après, et la petite, elle était comme ça. Son histoire, elle, c'était juste qu'est-ce qui se cache derrière la feuille, quoi. Un hérisson, c'était tout, tu vois. Mais je traînais un peu, elle faisait « Tonton ! Tonton ! Tonton ! Tonton ! » Tu vois ? Elle gueulait comme ça. Elle est vraiment énervée. Ouais. Puis, elle a été même à mon oreille à faire Tonton ! Et oui, je fais ouais, c'est l'écureuil. Et ça va, l'autre, il râlait pas trop. Et après, elle est partie, ils ont joué entre eux, boum, et elle faisait des prises de catch, elle lui chopait la tête, genre. Putain, mais c'est un. Ah wow. Non, exceptionnel. C'est un petit dragon, c'est quoi son signe astrologique ? Elle est à deux doigts d'être lion, c'est juste avant lion, je sais pas ce que c'est. Gémeaux ? Toi, t'es quoi ? Gémeaux. Attends. Non, non, c'est après le 21. Cancer. Je crois, mais... Après, c'est les crabes, les cancers. Ouais, mais j'arrive pas à comprendre ce signe. Non, moi non plus. Cancer. Ok, non, c'est une maladie, en fait. c'est une maladie. Bah, vierge, c'est pas ouf non plus. Ça veut dire quoi, vierge ? Vierge ? Bah, ça veut dire que t'attends le mariage, quoi. T'attends. Alors, vierge, genre, c'est sage. Mon daron, il est vierge. Hein. Ah ouais, bon, lui, il est pas sage. Il est pas sage du tout. Du tout. Non. Moi, je suis lion. Pff, t'es pas un... Je suis pas un tigre ? Ah bah, c'est une chinoise tigre, bien sûr. Ah ouais ? Ouais. T'es lion tigre, quoi. Bien sûr. J'adore les félins. Miaou. C'est vrai. Miaou. Miaou, miaou, miaou. C'est vrai que c'est... Qu'est-ce que ça fait ? Putain, c'est vrai que t'as traîné avec ta nièce, quoi. Ça fait quoi, les félins ? Miaou. Miaou. Ah ouais, ça me casse les couilles. Tu crois que les tigres, ça fait miaou ? Les lions, ça fait miaou ? Ah, ça fait... Ah ouais. Putain, j'ai bien ri. Que je... Moi, je suis content, je la vois juste comme ça, donc... Je suis pas ses parents. De quoi? Je suis pas ses parents. Mais moi, souvent, c'est comme si ça me fait chier d'engueuler un gamin, alors que c'est pas le mien, je m'en fous. Mais en vrai... Il fait ce qu'il veut, je m'allonge. Hein. Même les parents... Chance-moi le truc allongé. Ils disaient... Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, oh bah ouais, bah c'est Lison. Tu sais, ils étaient pas en mode... Ah, oh, nous fatigue, on en peut plus. Ils étaient en mode, oh bah oui, oui. Tu sais, je dis, ah, elle est pleine d'énergie, tu sais, pour être poli. Mais je crois qu'ils ont droit à ce quart d'heure-là, en fait. Enfin, cette heure-là, en fin de journée, à un moment, ils explosent. Elle avait... Si elle était assise toute la journée, j'en sais rien, tu vois. Non, elle est toujours excitée. Bah, ils m'ont dit, bah, elle est contente de te voir. Bah voilà. Voilà. Et toi, t'étais contente de la voir. Ah bah ouais. Mais en plus... Je pense que je l'ai déjà dit, quand ils sont bébés, je trouve ça un peu naze. Mais quand tu commences à avoir de l'interaction, où ils marchent, là, tu te marres, quoi. Tu te marres un peu plus, quoi. Bah, tu devrais adopter, tu vois, un ado, toi. Fan de Lyon. Léo, tu peux tirer la chasse quand tu... hein. Parce qu'en fait, voir ta merde, ça m'intéresse pas, Léo. Allez, viens, on va jouer. Vas-y, tu saoules. Tu saoules. Tu saoules. Bah ouais, ça fait quoi? Bah c'est que des traces de merde, c'est la nature. Ça pousse après, il y a des fleurs. Moi j'aurais mis de la sueur de bois, toi tu chies dans de l'eau potable. Ça se fait plus les toilettes sèches en maison quand même. Bah ouais, bah dis ça à Léo quoi. Il a pas compris quoi. Pourquoi tu l'as appelé Léo? Je sais pas, c'est le premier nom. Lyon, Léo. Exact, un lion. Léon en anglais. Lyon. Lyon. Lion. Lion. T'as dit Lyon. Oh. T'as un peu de zinc sur toi là que... Ouais, ça se voit, tu descends là. Ça fait quoi là, l'épisode 26 minutes? On va s'arrêter là, enfin 30. Allez, on va pousser jusqu'à 32. On va peut-être attaquer une thématique. On a rarement fait 26 minutes sans thématique. C'est un peu des thématiques quand même. Ouais, mais j'avais pas pensé, je les avais pas bossé du tout quoi. La thématique, c'était un truc super. Tu m'as même pas dit, c'était quoi ton meilleur moment de ta semaine? Bah, ça c'était bien. Quoi ça? Ça. Ah oui, merde, elle a un prénom. Ah oui, t'as raison. Agnès. Ça. Ça quoi? Bah ce moment-là, est-ce que c'était le meilleur moment? Non. Si, si, alors j'ai un autre événement qui est arrivé dans ma vie, qui m'a fait marrer. Vas-y. Samedi dernier, c'était la Saint-Valentin. 14 février, tu connais. Tu connais. Fête des amoureux. Exact. Et j'ai ma voisine, qu'on connaît maintenant. Vas-y, dis son prénom, que tu vas dire n'importe quoi, ça me fait rire. Marie-Hélène. C'est Marie-Noël. Putain, j'allais dire Marie-Noël, je te jure. Je te jure, Marie-Noël. Et en fait, qui est bonne sœur, qui se déplace en déambulateur. Bon, bref, que je rends service de temps en temps. Et là, elle sonne à la porte. Et elle me donne un bouquet de fleurs et des chocolats. Mais non, elle t'aime. Non, elle m'a dit ça fait des amoureux. Puis je fais, ah bah fallait pas, mais c'est gentil, blablabla, blablabla. Mais ça dure 2 secondes. Et en fait, c'est juste parce qu'on lui rend service. Et elle a dit, tiens. C'est sympa. Elles étaient belles les fleurs? Bah ouais, elles sont mignonnes. C'était quoi? J'en sais rien. Ok. J'ai pas regardé. Et les chocolats? Des. Tu sais, des Ferrero Rocher. Non, c'est ça les trucs. Ah, les trucs dorés là? Ouais. Ça j'aime bien. C'est rarement quand t'as pas d'idée. Hein. Et puis tout le monde préfère les Raffaello. Pas du tout. Ah bon. Mais bon, bref, tu vois, les fleurs, je les ai mis dans un petit vase. Tu sens que c'est les bonnes fleurs industrielles. Alors ils te disent, c'est faut que tu coupes. Les petits bouts, le bout des tiges là, et pour les foutre dans l'eau. Toujours. Mais attends, mais en plus là, pourquoi je dis industriel? J'ai même ça avec le persil, moi. Pourquoi je dis industriel? Parce qu'ils te filent quand même une petite poudre avec là. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas eu des trucs comme ça. C'est vrai que quand j'étais petit, ils faisaient ça, ouais. Ouais, tu vois, un peu de coke. C'est quoi? Tu sais ce qu'il y a d'essayer dedans? Bon, je pense que c'est un peu de la dopamine, quoi. Tu vas rester ouvert, tu vas rester une semaine. Ouais. C'est vrai que là, j'ai toujours la pêche. Tu devrais essayer d'en prendre. J'aurais dû en prendre. Bah ouais, t'en manques de zinc, il y en a peut-être dedans. J'aurais dû me lécher les doigts juste après avoir mis. Peut-être ça t'aurait reboosté aussi comme la fleur, quoi. Ouais, mais je me suis dit, c'est tellement chimique, tellement dégueulasse. Non, la drogue, c'est pas chimique. Ah oui, c'est vrai. Tout est naturel, en fait. Et je me suis dit, c'est vrai que c'est joli, un petit bouquet de fleurs comme ça. Il y a un côté Yes Life. Mais c'est vrai que t'as ça au PB. Hey, Martin. Quoi? Tu bailles plus, là. Non, mais j'ai envie de boire une bière. Bah, tu peux. On est un peu fatigué, en fait. Ton histoire de fatigue m'a fatigué, en fait. Allez. Et là, j'allais parler des mimosas, ça, c'est des belles fleurs, c'est en ce moment. Ah ouais, mais moi, je trouve ça pas joli, moi. Ah ouais, les petits pompons jaunes, là. Bah, j'ai un pote, il m'a dit que c'était sa fleur préférée, c'est vrai que c'est la période. C'est magnifique. Je suis pas fan. Tu préfères quoi, les pivoines, toi? T'as une tête de pivoine. Qu'est-ce que j'aime bien. Tu vois ce que c'est? Ouais, ouais. Des boules, là, un peu. Ouais, là. Des grosses boules, je fous dans ta gueule. Ouais. Oh, vous aimez bien les pivoines, vous? Putain, je dirais, je sais pas. Non, mais en plus, j'ai déjà réfléchi à quelle fleur je préférais, quoi. Vas-y. Bah, je m'en rappelle plus, quoi. Tulipe. Ouais, on va dire ça, ouais. Ah, pas de goût, quoi. Ah ouais? Un rose. Ça, on connaît pas d'autres fleurs, c'est ça? Puis, non, mais... Vas-y, on dit un nom de fleur chacun et celui qui trouve pas, il a perdu. Attends. Attends, c'est une fleur? Tu veux dire... tulipe? On a dit ça, tulipe et rose, on a dit. Ouais, vas-y. Bon, viens de le dire. C'est à toi alors. C'est un tricheur, vas-y, églantine. Marguerite. C'est une fleur, non? Ouais, si tu veux. Marguerite. Pâquerette. Pâquerette. Bah quoi? C'est pas une fleur? Si, mais là, tu joues à un jeu où je suis trop fatigué. Bah ouais, moi aussi, je suis cravé. Je suis sûr qu'il va s'arrêter dans pas longtemps, ce jeu, tu vois. Je le sais. Déjà, quand les gens redis tulipe, tu vois, je me dis, oh, on est mal barré. Tous les gens derrière, on va être comme ça, là, on a dit, avec leur nom de fleur. Ah non, dit. Mais si, qui dit ça. Qui... Allez, dites-le derrière, là, je suis pas en train de trouver, purée. Coquelicot. Bah, tu vois, t'es fort. Tournesol. Ah, vas-y. On est vraiment, c'est les fleurs bateaux, quoi. Les grosses fleurs, tu vois. Ouais, c'est clair. T'as reçu un bouquet de tournesol? Bah tu peux abandonner. Ouais, je vais abandonner parce que sinon ça va faire un blanc pendant longtemps. Mais c'était super. C'était bien, Martin. C'était super. GG. GG. Good game. Good game à toi. Ah mais en plus, tu sais, je réfléchis au thème en même temps qu'on... Tu vas reprendre une ou pas, toi? Ouais, vas-y. Il est 19h40. Non, alors. Bah si, justement, on a le temps. Allez, ouais, il ferme la heure. Là, t'as 1 minute 30 secondes tout seul. Ok. Tu sais de quoi tu vas parler? Je pense qu'il va parler des pommes de pin qui sont graffées argentées, mais bon. Non, je vais parler... Vas-y. T'es pas obligé de parler, hein. Non, en vrai, je pourrais appuyer sur le bouton pause, mais je vais pas le faire, quoi. En fait, je voulais te dire, pour l'impressionner avant le jeu des fleurs, je voulais te dire, ouais, non, mais j'ai travaillé en service espace vert, je connais trop de fleurs. Mais... Pardon, je croyais que je devais vite boire mon verre. Martin, il m'a mis la pression. Et donc, je pensais dire, ouais, moi, je connais toutes les fleurs. Et là, je suis sûr, je réécouterai l'épisode. Je serai comme ça, comme vous, derrière le poste, à dire, bien sûr, il y avait celle-ci. Bien sûr. Donc, je fais mon petit stand-up tout seul. Et il comprend rien. Pardon, je suis attentif à ce que Martin, il fait. Et je crois qu'il est pas clair. On va débriefer ça tout de suite. Dans 5 minutes. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que moi j'ai comme thème après? Alors. Ensuite. Ah si, je sais de quoi je vais parler. Ça va faire écho en plus à mes neveux qui se battaient entre eux. Oula, Martin. Ah, okay. Ah merde. Oh, j'ai fait de la merde. Ah là là, j'ai fait pire que mieux. Donc Martin a voulu mettre la fin de la bière. Pire. Dans le... Je suis déçu de moi-même, quoi. Bah ouais, dans mon nouveau verre, et ça a fait une grosse dose de mousse. Mais c'était pas. Et ça a failli déborder. C'était pas le but, hein. Non, je sais que ça partait une bonne volonté. Mais là, ouais, c'est vrai que là t'es perturbé. C'est à dire, ouais, il a son verre. Je ramène son verre. Non, ah ouais, il non, a pas mais fini. Ouais, c'était pas clair ce que je lui ai dit du tout. Ouais. J'ai voulu dire mes deux verres. Je crois que t'es amoureux. Hein? T'es tombé amoureux. Ça aurait été simple, tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai dit n'importe quoi. Ouais, c'est pas grave. Voilà. Donc, j'ai le thème. Est-ce qu'on doit être clair toute notre vie? Je sais pas, c'est marrant la maladresse aussi, non? Ah ouais, plutôt. Ouais, c'est marrant parce que c'est un de tes caractéristiques. Moi? Ouais, mais comment j'ai pu être maladroit et charpentier? Bah, ou rigueur. T'as déjà fait ça tomber qui est des marrant, trucs, quoi. Tiens. De là où t'as déjà fait tomber des trucs. Bah là, Henri, je peux plus. Une fois en charpente, ouais, j'ai fait tomber un mur. Je croyais que t'allais dire un marteau. Un mur complet. Ah oui. Ouais. T'as dit que c'était quelqu'un d'autre? Non, tout le monde sait que c'était moi. Hein. En fait, c'était en fait un mur, c'est léger en général, hein, des murs ossature bois. Et là, en fait, c'était des murs qui étaient en plus isolés, en plus avec des trucs. Enfin, ils étaient complets, tu vois. Genre, ils étaient finis les murs. Prêts, tu vois, avec bref, des éléments beaucoup plus nombreux qu'un mur de base, quoi. Et la sangle, je sais pas pourquoi elle pète, la sangle. Mais avant que ça parte. Hein. Du coup, je fais un système, moi, avec qu'on a l'habitude de faire en atelier, où tu mets un bois, tu revises deux vis, et ça part, quoi. mais ça peut pas supporter le poids que là j'avais. Et j'envoie la grue, et c'est tombé sur personne, et tout le monde l'a réparé, mais oh, l'enfer. Est-ce que c'est une de tes pires hontes de ta vie? Je sais pas pourquoi, mais non. Ouais. Mais c'était costaud. Et l'autre truc, c'est, tu vois les engins de levage avec des fourches? Tu vois? Ouais. Bah pareil, ça je l'ai balayé en avant. Ou avant. Ah oui? J'ai soulevé un truc trop lourd, je suis parti en avant. Non. Si. Mais en fait, ça se fait. Une fois que tu l'as fait, tu le fais plus. Enfin, je pense que c'est comme ça que t'apprends les choses en fait. Mais ça casse pas la machine? Non. Tu redescends et bam, tu vas redescendre. Tu remets les fourches, tu relèves les fourches et tu redescends. Ok. Voilà. Ah, c'est marrant. Non, qu'est-ce qu'il y a? Il veut m'engueuler parce que je dis de parler dans le micro, mais c'est parce que je suis en contrôle. Mais après, c'est toi qui fais les réglages de toute manière. Ouais, mais si tu parles comme ça, je peux faire tous les réglages du monde, on n'entendra pas. Ah bon? Ouais. Bah. Ok. Je vais essayer, mais. Ah. On peut faire des trucs. Ouais, je peux mettre, tu sais, je peux faire n'importe quoi. Je peux mettre la danse des canards pendant que tu parles. Ah oui. Oui, je peux faire. Mais sauf que. C'est quoi ta pire honte du coup? Ah, je sais pas. Au travail. Hein. Ça, franchement, j'y réfléchis. La prochaine fois, tu me demandes. Là, j'ai pas le cerveau pour aller chercher dans les fichiers, tu vois. Ouais. Et donc, quand t'étais pas là, j'allais annoncer le prochain Teb qui faisait. Qui était un fil rouge. Parce que je disais mes neveux faisaient du catch. Et du coup, il y a pas longtemps, j'ai regardé du catch. En fait, les neveux de qui faisaient du catch? Les miens, tu sais, tout à l'heure j'ai raconté ça. Oui. Tu vois, ils faisaient du catch. Et ben, j'ai regardé du catch. Quand j'étais plus jeune, mon père, il regardait du catch sur Canal+. Mais c'était à la mode quand on était tout petit. Exactement. Il y avait les jouets, les figurines. C'était Kogan. C'était l'âge d'or. Ouais. Brevard, Undertaker. Ouais. Et en fait, ça a toujours continué. Et il y a des gens de la génération Gen Z qui, eux, ont regardé du catch, qui ont adoré, tu vois, c'était sur la TNT. Et là, maintenant, c'est sur Netflix, tu vois, qui diffuse du catch. Ok. Et t'as un documentaire, tout ça, mais t'as même quatre événements majeurs, tu vois, dans le catch. Je savais pas, tu vois. Non plus. Mais celui, quand j'étais petit, que j'adorais, et c'était justement ce que j'ai regardé, s'appelle le Royal Rumble. Royal Rumble. Ouais, c'était dans les jeux vidéo aussi. Ouais. Et c'est tous les catch. En gros, c'est toutes les deux minutes, il y a un catcheur qui monte sur le ring, et le but, c'est qu'il sorte du ring. Et du coup, j'ai regardé du catch, et c'était un peu ma Madeleine de France. Trop bien. Mais je me rappelle très bien que quand on est petit, c'est vraiment un truc qui tue, quoi. T'avais Canal, toi? Non, mais j'avais des jouets, j'avais les figurines. Ah ouais, il y en avait plein, ouais. Ouais. Et genre, je connaissais Hulk Hogan, tout le monde connaissait. Il était même dans une série à l'époque. Bah oui. Avec son bateau, là. Exactement, ouais. Mais c'est un Trumpiste, lui, c'est un connard. Oui, et puis il est mort, quoi. Mais non. Si, il est mort. Il y a pas longtemps, je crois, non? Ouais, il y a pas longtemps, ouais. Mais oui, mais c'est... oui, c'était un. Mais il avait l'air complètement débile. Ouais, c'était l'Amérique, hein, quoi. Un MAGA. C'est ça, les MAGA, non? Quoi? MAGA. MAGA? C'est pas une expression. Hein. Je sais pas ce que c'est, MAGA. Pour les rednecks un peu comme lui. Ah ouais? Bon, c'était un redneck, ouais. MAGA, je connais pas. C'est vrai? Je croyais qu'à un moment t'avais mal prononcé un truc. MAGA? Bah ouais. MAGA? Si je n'articule pas bien, vous pouvez le dire. Hein. Des fois, j'articule pas bien. Vous pouvez le dire en commentaire. Oh, MAGA. Oh, MAGA. Mais peut-être que je me trompe, tu sais, c'est quand je lance des mots un peu comme ça. Genre, je me la raconte. J'ai envoyé un message à mon père. Et j'ai fait si tu veux, il y a du rap, du rap game. Il y a du catch sur Netflix en direct. Mais il y a pas de Netflix en direct. Si. Ah, c'est nouveau ça. J'ai plus Netflix moi. Ouais, ils diffusaient de la boxe et tout. Mais non. Si, parfois il y a ça. Maintenant ils font ça. Et je lui ai envoyé. Et qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il a eu les téléphones. Il aimait bien le catch, il aimait bien tout ça. Après, c'était pas sur RTL9 à l'époque. Bah quand c'était après sur le public, il regardait plus trop parce qu'il trouvait qu'ils en faisaient trop comme une série, tu vois. Alors qu'avant, il trouvait que c'était moins scénarisé. Il aimait bien quand c'était niche, lui. Exact, bah ça doit être de famille, tu vois. Famille de niche. Et on était au lavomatique avec la niche. Et d'un coup, j'ai fait un AVC. Bado. T'as vu, mon œil il a bloqué, je fais qu'est-ce que... Ah. J'ai pas compris. J'essaie de refermer la boucle. Et bon, mon père, il m'a répondu sur le catch. Il m'a dit... Merci, fiston. Il m'avait dit, ah ouais, chouette. Et puis après, comme ça a traîné un petit peu, il a fait, bon, de toute façon, ça sera rediffusé. Ils vont le remettre, Netflix. Et il est parti se coucher. Et il était pas tard, c'était 23h, tu vois. C'est tard, 23h. Un samedi. C'est dans quel monde, toi? Samedi. Un samedi, 23h. Il n'y a pas de jour, en fait, pour des gens... En fait. Samedi, c'est comme vendredi. C'est... Ouais, mais moi, tu vois, je suis samedi, je me dis pas, je me couchais tôt. J'aime... On te voit pas, Pierrot, le samedi. Ouais. Tu peux inventer une vie, on la connaît pas, en fait, ta vie du samedi. En tout cas, retrouvez-moi au point virgule samedi prochain. Ah, c'est pour Paris. Ça, tu travailles en fait le samedi. I'm walking. Yeah. I'm exhausted. Au point virgule. Ouais, au Tain, point virgule. Tu y es combien de semaines ? Je suis tous les samedis d'octobre jusqu'à janvier. C'était pas tout de suite, quoi. Mais c'est bien. Non, je rôde le spectacle, ouais. Ouais à Paris, et après tu tournes en province, toi, tu fais l'inverse, toi. Ouais. Trop bien. Ouais. J'adore. Moi, je respecte grave les gens qui font ça. Mais en fait. T'as raison. Ouais. Moi, je suis au Paname. De mardi, le mardi. Le mardi De 18h. Ah, tu étais il y a deux jours, quoi. Ouais. Mais bien ou pas? Ouais, bonne ambiance, bonne ambiance. Mais 18h, c'est pas le créneau où il y a le plus de monde, quoi. Ah bon? Là, tu peux venir me voir, t'as une bière offerte, je crois. Ah, c'est cool. Tellement il y a personne. Ouais. Je boirai un petit coup avant, une petite Maximator, ouais, histoire puis... de me chauffer, quoi. Ouais, et puis tu pourras faire semblant de rire. Et puis tu sais, je ferai juste des... Eh, fais la blague avec le... Eh, tu fais quoi toi dans la vie? Et moi je te parlerai à toi, tu vois. Je dirais, tu fais quoi dans la vie? Ouais, je sais pas, moi je suis. Tu n'importe vétérinaire. Quoi. Ah, vétérinaire, bah trop marrant en fait. Tu caresses des gros chats. Oh, ouais, non, toi t'es. Reste au point virgule. Ouais, voilà. Pardon. Paname Café, c'est. Ouais, ouais, mec, ouais. La barre elle est bien plus haute, quoi. Pardon, pardon. C'est des os, tu vois, on fait. C'est plus fin en fait. C'est au couteau. Comme le tartare? T'as capté. On peut faire un duo ou... On peut faire des... Tu peux faire ma première partie. À 17h30 ? 17h30. Ok, cool. Je pourrais faire la blague avec le veto. Bah, faudrait qu'il y ait un veto. Ah ouais, c'est vrai que je suis pas veto. Après, je peux, moi, mettre dans le public pour la première partie et toi, tu vas dans le public pour... Et c'est quand on se check dans la main, toi, tu t'assois et moi, je me lève. Ouais. Et là, ils vont peut-être capter les gens. Ouais. Tout de suite, Antonio. Bah, c'est toi, c'est Antonio. Ouais. C'est, ah, bien, c'est bien, ouais. Ah, c'est stylé. Antonio. Ouais, parce que Pierrot, boring. Boring. Antonio. Mes potes m'appellent Tonio. Antonio de Vegas. Zorro. Bah. What? What? Ouh. Donc voilà. Hein. Bah c'est bien, mais j'ai dit zéro thématique, je suis très content de cette émission. Ah bah c'est bien, de toute façon t'en avais? Ouais, mais je sais pas, j'avais pas envie d'en parler. En fait, c'est des sujets hyper personnels en fait. C'était peut-être pas le lieu. Ouais. Ouais, en plus, moi, je crois que j'ai des thèmes bien deep, bien noirs. Ouais, ah ouais. Ah non, moi, je rigolais quand j'ai dit ça, en fait. C'était une blague. Ah moi, ouais, je okay. Mets pas des trucs deep, noirs. Faut que le printemps arrive vite. Au perso. Vite, vite, vite. Mais 19h51, il va falloir raccrocher. Ah ouais, il va falloir raccrocher. J'ai pas de morceau, moi. Ah bah oui, moi, c'est parce que c'est mon tour, Martin, t'as raison. Ouais, mais c'est pour ça. T'as raison. Du coup, moi, c'est... Je suis désolé hein, de couper un peu. J'ai t'avais hésité. Un conseil culturel? Est-ce que j'ai un conseil culturel? Non. Non. Ouais, on est vraiment fatigué. Épisode ras des pâquerettes, 36. Non, mais je vais juste dire le livre que j'ai lu dernièrement, mais c'était pas un coup de cœur, donc ça sert à rien. Mais juste, ce que je peux... J'ai hésité à mettre comme son de fin le son de rap que je t'ai envoyé aujourd'hui. Ah ouais. Mais parce que... C'est vrai, je me suis dit, mais jamais de rap, lui. Non. Et non. En fait, non. Et il va pas en mettre. Non, je peux en mettre. Mais peut-être la prochaine fois, dans on deux... On sait pas, hein. Dans deux faut suivre. Possible, bon, le truc est pour savoir. En fait. La semaine prochaine sera Martin. 36 donc. Épisodes sans rap, quoi. Pierrot, va-t-il mettre du rap? J'ai dû en mettre, non? Non, non, non. On peut tout réécouter, si tu veux. Donc là, on va écouter plutôt. C'est plus électronique, ça s'appelle Bumzat. Et c'est de Brux. Et c'est Bruxelles. Bien, bien, bien. Brux. Brux. No, Brux. Ah, l'artiste? Ouais. Ah oui. Il vient pas de Bruxelles? Ah oui, tu crois que je faisais un. Je sais pas. Un petit truc genre. Et ça vient de Lille. IXL. Lille. Ça vient de Lille. Ah. Lille. Ça vient de L. Bru. L. Donnez-moi un L. LM. Allez, c'est parti. Merci beaucoup, Pierrot. Merci à toi, Martin. Force à toi le zinc et la vitamine D. Le gel royal, le gel royal. Prends tout. Tu sais quoi, prends le pot belge. Tu connais le pot belge? Le pot Beaujolais. Prends ça. Je vais prendre ça. Lance Armstrong, il en a pris plein, tu vois. Tu lui demanderas. Eh ben, ça lui a fait mal au testicle. Yeah. Et eh ben, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et on se voit très très vite. Merci beaucoup. Tchuss. Yeah.